Welcome everyone to French Pod. Today we've got a very special intermediate lesson called Deciphering Train Announcements. My name is JP. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à cette leçon intermédiaire. Je m'appelle Amaury. Amaury. So, deciphering train announcements. I imagine instead of hearing a dialogue today, we're going to hear some train announcements. C'est bien ça, JP. Ok. C'est une situation dans laquelle je me suis souvent retrouvé en voyageant. Mm-hmm. Car même si je pensais que j'avais un bon niveau, on va dire, en anglais, par exemple, right. Chaque fois que je me retrouvais dans un pays où il y avait une annonce, par exemple dans une gare, mm-hmm. eh bien, JP, je ne comprenais pas. Oh, yeah. On comprend jamais très bien ce que la personne dit. So this lesson will help our listeners when they're in the train station in France. C'est bien ça, c'est le but de la leçon. Okay. Donc ici, on n'a pas un mot-clé, mais on a une phrase-clé. Okay, what is it? Qui est, le trafic est interrompu. Okay, so literally, this is the traffic is suspended or the traffic is interrupted. The trains aren't moving. Oui, c'est ça. Okay, so we're going to listen for that mot-clé. Le trafic est interrompu. Malheureusement, ça arrive parfois en France. Really? Oh no. Alors, on va voir quelles sont les annonces. C'est parti, on les écoute. Mesdames et messieurs, ce train est un train direct en direction des Invalides. Il ne s'arrêtera pas entre les gares de Juvisy et François Mitterrand. Mesdames et messieurs, en raison d'un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne de RER A entre La Défense et Saint-Germain-en-Laye. Ce train sera donc terminus La Défense. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Donc nous revoilà. Bon, la première annonce, ça va, c'est pas trop grave ce qui se passe. No, it's not that bad. Déjà, on a une charmante voix. Mm-hmm. C'est ça qui vient. En France, c'est toujours une très belle voix qui fait les annonces. Absolutely. Ouais. Like an angel. Oui. Giving you information. All right. Okay, and the information here is that we're on an express train. Oui, c'est ça. Okay. Et en fait, ça veut dire que c'est un train aussi qui est direct, comme tu l'as dit, un train express. Express train, right. So it doesn't stop at all the stations in between. It goes from one end to the other, straight down. Voilà, c'est bien ça. Okay. Et c'est un type de train RER. The RER, RER, this is the regional train around the Paris area. Now, as you might know, that there's the famous Paris Métro, which is the subway line that goes through the neighborhoods. There's also the RER, that's the regional transport that takes you, you know, it takes you a little further out. It takes you to the suburbs. C'est bien ça, oui. Mm-hmm. Le métro fonctionne uniquement dans le centre de Paris, mm-hmm. vraiment dans la ville de Paris. Mm-hmm. Mais comme on le sait, Paris est beaucoup plus grand. Il y a toute la banlieue, mm-hmm. les alentours. Right. Et là, on a le RER qui communique et qui relie toutes les villes de banlieue. Donc, ça passe dans le centre. Right. And if you've flown into Charles de Gaulle, you've probably taken the RER into the center. C'est le RER qui relie Charles de Gaulle au centre de la ville, par exemple. Okay. Now, here in this announcement, we're getting to hear some different places in Paris where this train stops. This train is going toward Les Invalides. Les Invalides, en fait, c'est un monument, mm-hmm. un monument assez vieux à Paris, mm-hmm. puisqu'il a été construit sous Louis XIV. Mm-hmm. Et donc, il a été construit pour recevoir les invalides de guerre. Right, so the war veterans. Voilà, exactement. Donc, ça a pris ce nom, ça a gardé le nom. Donc, maintenant, ça accueille encore des invalides, mais en même temps, c'est un musée. Yes, now, I remember walking through Les Invalides and coming through a kind of a side entrance and seeing actual veterans and thinking, oh, shoot, I should have gone through the front door. I'm disturbing them. Anyway, this train goes en direction des invalides. And en direction des invalides means that the train is going in the direction of the invalides. Ouais, et donc ici, on parle des RER. Mm-hmm. Mais c'est valable aussi pour les trains normaux, tu vois. Okay. Dans les gares, par exemple, on dira, si on est dans une gare à Paris, on dira ce train est en direction de Bordeaux, par exemple. Okay. Right, and it might stop in Poitiers. Oui. Right, okay. Et ici, ce train ne va pas s'arrêter. Mm-hmm. Absolutely, it's a express train, right? Oui, et donc la voix dit, il ne s'arrêtera pas entre les gares de Juvisy et François Mitterrand. Okay, so the grammar here is s'arrêter, this is the verb to stop, and here it's in the future tense and it's negated, so it shall not stop. Il ne s'arrêtera pas. Et ici, ou entre les gares de Juvisy, qui est une ville en fait dans la banlieue parisienne, okay. et François Mitterrand. Okay, which is another gare, another train station. C'est bien ça, oui. Okay. Évidemment, qui a pris le nom du président. Right. Okay, so the second announcement starts the same way, mesdames et messieurs. Oui, toujours poli. Yes, absolutely. Mais directement, c'est un peu moins marrant. OK. Puisqu'on entend en raison d'un mouvement social. OK. Because of a social movement. Now, what are they talking about? A social movement like recycling? Or what's going on? Non, c'est une grève, JP. OK, it's a strike. Now, to an American, it seems like there's always somebody on strike in France. Moi, je crois que c'est la vérité, en fait. OK. C'est vrai, quand on écoute ça de l'étranger, quand on entend parler de la France, mais c'est souvent pour cette raison. Mm-hmm. En raison de mouvements sociaux. Okay. En raison de grève. Okay. So this social movement, this grève, is interrupting traffic, right? Oui. Donc on imagine que les personnes qui travaillent pour le RER ont décidé d'interrompre le trafic. Leur grève a fait que le trafic est interrompu. Okay. This is the verb interrompre. Oui. And we have the past participle, the participe passé, used here with être to make the passive voice. So traffic is interrupted. Now, how is it interrupted? Well, it's going towards Saint-Germain-en-Laye, but it can't go past La Défense. So unfortunately, all those rich people in the West are not going to be able to get home. Ouais, je sais pas comment ils vont faire, mais le train va s'arrêter à La Défense. Right. So everybody's going to get off where the big modern arch is, the big white. Ouais. Qui se trouve dans le quartier de La Défense. Donc La Défense, yeah. Ouais, le quartier des finances, à l'ouest de Paris, comme tu l'as dit. Mm-hmm. Tu connais bien Paris, JP. Oh non, je suis surpris. Don't be so surprised, Emily. Et donc, toujours la voix dit, ce train sera terminus La Défense. Okay, so that's the temporary ending of the line. Oui, alors que le train, normalement, était terminus Saint-Germain-en-Laye. Et on entend une dernière annonce. Okay. On garde cette politesse française. Okay. Puisqu'on dit, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. All right. Non mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'il faut entendre les gens quand ils entendent ces annonces avec la petite voix qui est jolie, qui est toute mignonne. Yeah. Et tout le monde est en train de jurer, crier, tout le monde gueule. Right. Personne n'est content. And then you hear this. Now to my ears, the translation sounds so funny. We thank you for your understanding and we pray that you will want to forgive us for the disturbance that has been caused. I think in English I would just say sorry about the mess or pardon our mess. Ça revient au même. On a le même problème, je crois. So I think the word we should look at is la gêne. How did we say that in English? It's like a disturbance. Oui. And we have the verb gêner, which Exactement. Is to disturb. It gets in the way of your happiness. Exactement, oui. JP a trouvé une belle façon de décrire la gêne. Voilà, donc maintenant nous avons le plaisir de réécouter cette jolie petite voix. Mesdames et messieurs, ce train est un train direct en direction des Invalides. Il ne s'arrêtera pas entre les gares de Juvisy et François Mitterrand. Mesdames et messieurs, en raison d'un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne de RER A, entre La Défense et Saint-Germain-en-Laye. Ce train sera donc terminus La Défense. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Ok, donc ici, on se trouve vraiment dans des situations spécifiques de gare. Et même si ici, c'est dans une gare de RER, ce n'est pas forcément dans les gares de RER qu'on entend ces annonces. Ça peut très bien être dans le métro ou bien dans une gare normale de train. De SNCF. Voilà, exactement. Par exemple, si on était à une gare SNCF, on entendrait « ce train est un train TGV ». Tu connais les TGV ? TGV, train à grande vitesse. Those are the bullet trains. Voilà, exactement. En direction de Marseille. Okay. Et il ne s'arrêtera pas entre les gares de Lyon et Avignon. All right, so that train keeps going. It's so fast, too. Voilà, oui. Et alors, évidemment, dans le second message, comme je l'ai dit, en raison d'un mouvement social, ça, tu peux l'entendre dans les trois. Absolutely. Dans les trois types de gares. Et si vous étiez dans le métro, par exemple, on dirait le trafic est interrompu entre Charles de Gaulle Étoile, puisque c'est une station de RER, mais c'est une station de métro aussi, et la station Trocadéro. Oh, no. How are we going to get to the Eiffel Tower? S'il y a seulement un problème, s'il y a seulement un mouvement social, une grève sur cette ligne, okay. Parce que ça existe, il y a quand même 15 lignes That's true. De métro différentes à Paris. Donc, essayez de prendre une autre ligne qui va aux Invalides. Parce qu'une fois qu'on est aux Invalides, on est près de la Tour Eiffel. Okay. On peut marcher. Okay. Franchement, il y en a pour 20 minutes, une demi-heure. All right. Et donc, on vous entendait à la fin, toujours ces remerciements pour votre compréhension. Cela veut simplement dire qu'en français, on respecte toujours une certaine forme de politesse. Mm-hmm. Même si c'est pour annoncer quelque chose de négatif, right. Il faut le faire dans les formes, JP. Absolutely, absolutely. Ça doit That's être... the French way. Voilà, ça doit être bien fait. Ok. Bon, ça n'empêche pas les gens de râler après, mais... C'est comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que les auditeurs auront l'occasion de vivre cette situation. Peut-être pas forcément une grève, mais au moins que vous entendrez. And you can't avoid it. Non. Tout simplement, je veux dire, voilà, j'espère que vous aurez la chance de vous rendre en France. Yes, yes. Et d'écouter cette charmante voix. Sur ce, on se retrouve bien évidemment sur la page de discussion de FrenchPod, où on attend vos commentaires. À bientôt. Merci, à bientôt.